La concision, qui consiste en le raccourcissement. En peu de mots, on exprime beaucoup d'idées. L'exemple précédent, Was'alil Qarya, hein, interroge la ville. À la base, interroge les habitants de la ville. Là, je dis interroge la ville, c'est plus éloquent, c'est plus concis. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur la religion, hein, de l'islam, guide-nous sur la voie de rectitude. Mais pour ne pas dire guide-nous sur la religion de l'islam qui ressemble au chemin de rectitude, je vais dire guide-nous sur le chemin de rectitude. C'est plus concis, c'est plus éloquent. Et l'une de ces valeurs, c'est aussi des utilités de l'majaz, c'est d'exciter l'imagination. D'accord? Tahiyyel, le majaz te fait réfléchir. Hein? Il te fait réfléchir. Comment le locuteur il a mis la relation entre ceci et cela, quel est le degré de cette relation, ça fait travailler ton esprit, hein, le lien entre ceci et cela, l'analogie, quelle relation, etc. D'accord? Où est la comparaison, où est le contexte? D'accord? Ça fait travailler l'esprit du récepteur. Bon, nous avons terminé. Les sciences relatives à l'expression, à la clarté du discours, c'est ce qu'on appelle ilmul bayan, si vous voulez le champ de l'expression, si on peut diviser la rhétorique en trois champs, bon, le champ de l'expression, le champ de la sémantique et puis le champ de l'esthétique, des procédés esthétisants. Alors, le champ de l'expression, nous l'avons terminé, hein, avec ses différentes figures de style, la métaphore, la comparaison, etc. Et Inch'Allah, la prochaine fois, nous passons à l'autre champ qui est le champ de la sémantique, Haql al-Ma'ani, où on traitera du Insha et du Khabar, de la phrase ou de l'énoncé constatatif, l'énoncé performatif. Et nous allons traiter aussi de bon, la restriction, la concision, etc. Inch'Allah, nous allons traiter ce sujet la prochaine fois. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.